إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde la réussite et vous préserve. C'est un plaisir pour moi de prendre part à cette conférence. Et tout d'abord, j'aimerais remercier nos frères du Merkez al-Furqan pour avoir organisé cette conférence. Et je demande à Allah le Très-Haut de les récompenser de la meilleure des manières. Ceci dit, comme vous le savez, ce soir nous allons nous entretenir sur un sujet très important. Et il n'y a pas de doute que tout musulman raisonné a conscience de la faiblesse de notre communauté. Car nous vivons à une époque où les informations se propagent très vite. Il est très facile d'être au courant de l'actualité. Et en règle générale, lorsque le musulman voit la faiblesse de la communauté, il est envahi par la tristesse et par l'envie de changer les choses. Et ceci est positif, car les musulmans ne forment qu'un seul corps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous verrez les musulmans à travers leur bonté, leur affection et leur attachement réciproque, constitués comme un seul corps. Quand l'un des membres souffre, il transmet sa fièvre et son insomnie à tout son corps. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari. Ainsi, c'est un signe de bien que le musulman veuille changer les choses et remédier à cette faiblesse. Néanmoins, ikhwani fillah, avant de remédier à n'importe quelle situation, il y a plusieurs choses essentielles à savoir. La première chose est de connaître le problème. Car si tu ne connais pas le problème, tu ne pourras pas y remédier. Par exemple, si tu vas chez le médecin et qu'il te diagnostique une grippe, alors que tu as la tuberculose, cela ne va pas régler ton problème, au contraire. La deuxième chose est de connaître les causes du problème. Car si tu connais les causes qui ont amené le problème, tu pourras y remédier plus facilement. La troisième chose et de savoir comment remédier à ce problème. C'est-à-dire quelles sont les causes qui vont te permettre de régler le problème qui est en face de toi. Car si tu ignores comment remédier au problème, tu risques de faire des causes qui vont augmenter le problème. Même si tu mets de la bonne volonté et que tu es bien intentionné. Car ici, vouloir le bien ne suffit pas. Et c'est ce qu'a rappelé Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agré, aux gens qu'il a vus innover dans la mosquée. Un jour, Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, vit dans la mosquée des gens assis en cercle. Et au milieu de ce cercle se trouvait un homme qui avait des petits cailloux. Et il disait aux autres, « Dites 100 fois Allahu Akbar !» Et il le disait 100 fois. « Dites 100 fois La ilaha illallah !» Et il le disait 100 fois. « Dites 100 fois Alhamdulillah !» Et il le disait 100 fois. Abdullah ibn Mas'ud les blâma sévèrement. Et ils répondirent, « Oh Abba Abdurrahman, nous n'avons visé que le bien. » Et Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agré de dire, « Et combien de ceux qui veulent le bien ne l'atteignent pas. » Et lors de cette conférence, nous allons clarifier ces trois points, Incha'Allah ta'ala. Mais avant cela, nous allons revenir à l'histoire. Car dans le Coran, Allah Azza wa Jal nous incite à revenir à l'histoire. En effet, dans certains versets, Allah nous incite à tirer des leçons des récits des peuples qui nous ont précédés. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat An-Nazi'at, Inna fi dhalika la ibratan liman yakhsha. Il est en cela une exhortation pour celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit dans sourate Yusuf azza wa jal, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Donc pour ce faire, nous allons revenir à l'époque d'El Jahiliya, l'époque pré-islamique. À cette époque, la plupart des Arabes étaient sur la religion du prophète Ibrahim alayhi salam, depuis qu'elle s'est répandue dans la péninsule arabique. Ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala tout en suivant la législation du prophète Ibrahim alayhi salam. Jusqu'au jour où un homme du nom de Amr ibn Luhay rapporta des idoles à la Mecque et appela les gens à les adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chose qu'ils firent. Par la suite, les idoles se propagèrent jusqu'à ce qu'il y en ait 360 dans la Kaaba. Ainsi, très peu de gens restèrent sur la religion d'Ibrahim alayhi salam. Ils étaient pour la plupart dans un égarement manifeste. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Ali Imran, لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Allah a accordé une grâce aux croyants en suscitant parmi eux un messager issu d'eux-mêmes qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse alors qu'ils étaient auparavant dans un égarement manifeste. Ils se rendaient coupables de nombreux péchés, tels que le shirk, la fornication et autres. Et certains allaient même jusqu'à enterrer leur fille vivante. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet: « وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ » Lorsqu'on demandera à la fille enterrée vivante pour quel péché elle a été tuée. Et à cette époque, les Arabes étaient faibles. Les autres peuples ne leur donnaient aucune importance. Et cette situation a perduré un certain temps. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et fasse descendre le Coran. Puis les gens embrassèrent l'islam par groupes successifs. Le nombre de musulmans augmenta. Et à l'époque, l'islam était ce que les musulmans avaient de plus cher. Ils s'accrochaient à la religion de manière apparente et cachée. Et il était impossible de les faire revenir à la mécréance, même si tu leur donnais tout l'or du monde. Et Allah subhanahu wa ta'ala donna la suprématie et la force aux musulmans jusqu'à ce qu'ils puissent conquérir les plus grands empires de leur époque, tels que l'empire romain et l'empire perse, alors qu'auparavant, ils n'auraient jamais pensé pouvoir conquérir ces empires, car ils étaient faibles et incapables de se défendre. Plus le temps passa, et plus l'islam se propagea, jusqu'à arriver en Europe, et notamment en Andalousie. Car à l'époque, l'Andalousie était un pays musulman, et ce fut un vivier de nombreux grands savants de l'islam, tels que l'imam al-Qurtubi, Ibn al-Arabi, l'imam al-Qahtani, l'imam al-Turtushi et d'autres, qu'Allah leur fasse miséricorde. Alors qu'avant, les Arabes n'auraient jamais imaginé que l'islam prenne autant d'ampleur due à leur faiblesse. Et nous avons une parole qui vient confirmer tout ce que nous venons de dire précédemment. Et c'est la parole de Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée. Nous sommes un peuple qu'Allah a honoré par l'islam. Et si nous cherchons l'honneur dans d'autres choses, Allah nous humiliera. Et ce affaire a été rapporté par Al-Hakim dans son livre intitulé Al-Mustadrak. Et cette parole est immense. Cette parole est immense. Il convient de la méditer, car elle contient un enseignement très important. Lorsque Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a dit: nous sommes un peuple qu'Allah a honoré par l'islam, il est important de savoir qu'est-ce qui est visé par l'islam. Surtout lorsqu'on sait que de nos jours l'islam peut avoir plusieurs sens selon le contexte. Par exemple, dans beaucoup de médias, lorsque tu entends certaines phrases telles que « nous respectons l'islam » et « nous n'avons aucun problème avec l'islam », ce qui est voulu par l'islam, c'est l'islam caché, qui consiste à ce que le musulman montre son islam chez lui, mais pas dehors. Chez lui, il peut prier, il peut s'habiller comme il veut, dire ce qu'il veut, mais pas dehors. Il ne pourra pas porter ce qu'ils appellent des signes religieux ostentatoires dans certains endroits. Également, lorsque certains musulmans parlent de l'islam, Ils veulent par cela l'islam du cœur. C'est-à-dire se dire musulman et ne pas pratiquer l'islam. Ou bien on pourrait même dire l'islam de la langue, qui consiste à se dire musulman et ne pas pratiquer l'islam. Ils vont te dire « je suis musulman non pratiquant ». C'est pour cela qu'il est essentiel de savoir ce qui est visé par l'islam dans la parole de Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agré. Et l'éminent savant, Cheikh al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde, répond à cette interrogation et nous dit que l'islam qui est voulu dans la parole de Omar ibn al-Khattab, c'est l'islam qu'Allah a fait descendre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela nous indique clairement que les Arabes ont retrouvé la force et la suprématie lorsqu'ils se sont cramponnés à l'islam. L'islam avec lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Et plus les musulmans se sont divisés et se sont écartés de leur religion, plus ils ont faibli. Notamment avec l'apparition des innovations. La première innovation qui est apparue est celle des Khawarij. La première personne de cette communauté qui est sortie de cette législation est un homme parmi les Khawarij du nom de Dhul-Khuwaysar. Il a accusé notre prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas être équitable. Et plus tard, ses suiveurs sont sortis contre Othman et Ali ibn Abi Talib, qu'Allah les agrée. Et ils les ont combattus. Ensuite est apparue la secte d'Al-Qadariyya. Ceux qui ont renié le destin et qui ont prétendu qu'Allah connaît une chose uniquement lors de son apparition. Par exemple, selon eux, Allah subhanahu wa ta'ala sait qu'il pleut lorsque la pluie commence à tomber. Et cette secte est apparue à la fin de l'époque des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À cette époque, quelques compagnons étaient encore en vie, tels que Abdullah ibn Umar, Ubada ibn Samit et d'autres. Ensuite est apparue la secte d'Al-Murji'a, ceux qui ont prétendu que les péchés n'ont pas d'impact sur la foi et que celui qui fornique et boit de l'alcool peut avoir la même foi que Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu. Puis les innovations en rapport avec les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont apparues, telles que les innovations d'Al-Jahmiya, d'Al-Mu'tazila et d'Asha'ira. Les sectes et les innovations n'ont cessé d'apparaître jusqu'à aujourd'hui. Et plus les musulmans se sont divisés, plus ils ont faibli. Car la divergence est une cause de faiblesse. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate le butin, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Obéissez à Allah et à son messager et ne divergez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force. Plus les musulmans se sont écartés de la religion et ont cherché la suprématie dans des voies autres que l'islam, plus ils ont été humiliés. Rappelez-vous de la parole de Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agré. Nous sommes un peuple qu'Allah a honoré par l'islam. Et si nous cherchons l'honneur dans d'autres choses, Allah nous humiliera. Avec ce retour dans l'histoire, on comprend que la faiblesse des musulmans est due à leur division et à leur éloignement de la religion avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Un Ainsi, si les musulmans reviennent à leur religion et s'y accrochent fermement, Allah leur donnera force et suprématie. Et quelqu'un pourrait se dire, d'accord, il faut revenir à la religion et s'y accrocher. Mais la religion est vaste. N'y a-t-il pas des œuvres en particulier qui permettront aux musulmans de retrouver leur suprématie? Et la réponse à cette question est qu'il y a plusieurs œuvres à accomplir pour remédier à la faiblesse de notre communauté. Et la première de ces œuvres est la mise en application du tawhid. Et avant de détailler ce point, nous allons réfuter une ambiguïté qui est très fréquente de nos jours. Certains vont te dire que donner de l'importance au tawhid ne va pas changer l'état de la communauté. Ils vont te dire à quoi bon donner de l'importance au tawhid, alors que dans certains pays, les musulmans se font tuer. Quel profit la communauté va tirer du tawhid? Et après cela, ils vont parfois accuser les gens de la sunna de ne pas se préoccuper des affaires de la communauté. Et en réponse à cette ambiguïté, nous disons que lorsqu'il y a une divergence, il faut revenir au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour savoir la vérité. Les gens de la sunna disent que le tawhid est une cause, qu'Allah donne la suprématie aux musulmans, tandis que beaucoup de gens ne sont pas de cet avis. Par conséquent, il faut revenir au Coran et à la sunna pour trancher. Car c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne en cas de divergence. Il dit Azza wa Jal, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Si un différend survient entre vous, portez-le devant Allah et le messager. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, ceci sera meilleur pour vous et un meilleur aboutissement. C'est pour cela que pour savoir la vérité dans cette affaire, il faut revenir au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que les péchés sont une cause d'insécurité et de disparition des bienfaits. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans sourate Saba, لَقَدْ كَانَ لِسَبَئٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٍ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورُ. La tribu de Saba avait en ses demeures un signe, deux jardins se trouvant à droite et à gauche. On leur dit « Mangez de ce que votre Seigneur vous a accordé et soyez reconnaissants envers lui. Cette contrée est bonne et son Seigneur pardonne. » Mais ils se détournèrent. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit par la suite selon le sens ? Nous fîmes alors déferler sur eux les flots d'Al-Arim et nous transformâmes leurs deux vergers en deux jardins, n'offrant plus que des arbustes aux fruits amers, des tamaris et quelques rares jujubiers. C'est ainsi que nous les avons rétribués pour prix de leur mécréance qui rétribuons-nous ainsi sinon le mécréant? Et il dit également Azza wa Jal, ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Si les habitants des cités avaient cru et craint, nous aurions répandu sur eux exulte bénédiction du ciel et de la terre. Mais ils ont renié et nous les avons saisis pour prix de leurs méfaits. Les habitants des cités sont-ils à l'abri de voir notre châtiment s'abattre sur eux de nuit, alors qu'ils dorment? Les habitants des cités sont-ils à l'abri de voir notre châtiment s'abattre sur eux de jour, alors qu'ils s'amusent? Se croient-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Seuls ceux qui courent à leur perte se croient à l'abri du stratagème d'Allah. Ces versets nous indiquent que les péchés sont une cause d'insécurité et de disparition des bienfaits. Et comme vous le savez, le shirk est le pire des péchés. Par conséquent, le shirk va être l'une des plus grandes causes qui va plonger la communauté dans les troubles. Donc après cette introduction qui nous a permis de comprendre les méfaits du shirk, qui, comme vous le savez, et le contraire du tawhid, il nous reste à démontrer que la mise en pratique du tawhid est une cause pour remédier à la faiblesse de la communauté. Et pour ce faire, il nous suffit de citer le verset 55 de sourate An-Nur. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. Allah dit selon le sens, Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et accomplissent des œuvres pieuses de leur donner pouvoir sur terre, comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés, de donner force et suprématie à la religion qu'il agrée pour eux, et de les faire passer de la crainte à la sécurité. Ceci, car ils m'adorent et ne m'associent rien. Allahu Akbar. Regardez dans ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala promet plusieurs choses à notre communauté. La première est de lui donner le pouvoir sur terre. La deuxième est de donner la suprématie à la religion qu'il agrée. Et la troisième est de faire passer cette communauté de la crainte à la sécurité. Cependant, il y a une condition à tout cela. Et cette condition, c'est le tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin de ce verset, Ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Ceci car ils m'adorent et ne m'associent rien. Par conséquent, la réforme de notre communauté passe par le tawhid. Comment pouvons-nous espérer sortir de cette faiblesse alors que beaucoup de musulmans ignorent le tawhid et ce qu'il implique? Comment pouvons-nous espérer sortir de cette faiblesse alors que certains musulmans vous certaines de leurs adorations pour autre qu'Allah Azzawajal. Il faut absolument apprendre le tawhid, le mettre en pratique et appeler les gens au tawhid pour que le bien se propage. Et c'est exactement ce que certains savants de la Sunna ont détaillé dans certains livres de tawhid. Prenons par exemple un livre que beaucoup de musulmans connaissent, qui n'est d'autre que les trois fondements. L'auteur, rahimahullah, a mentionné ces trois points au début de son livre. Il a cité tout d'abord la science, ensuite sa mise en pratique, puis le prêche. Cependant, le prêche est basé sur la science et non sur l'ignorance. Et avant de prêcher, tu dois mettre ce que tu as appris en application. Ne commence pas à prêcher alors que tu n'as ni appris et ni mis en pratique. Car ce procédé est contraire à la voie du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wal asr » par le temps. « Inna l'insana lafi khusr » L'homme est certes en perdition. « Illa allazina amanu » Sauf ceux qui croient. Et les savants nous disent que c'est une preuve concernant la science. Car la foi n'est profitable qu'avec la science. Ensuite, il dit à Azzawajal, « Wa'amilu salihat » et accomplissent les bonnes œuvres. Donc après la science, il y a la mise en pratique de la science. « Wa tawasaw bilhaq » s'enjoignent mutuellement la vérité. Après la mise en pratique, vient le prêche. Ainsi, avant d'appeler les gens au bien, il faut connaître ce bien et le mettre en pratique. Puis il finit par sa parole, Azzawajal, Watawasaw bisabr, et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Donc après vient la patience, car celui qui apprend le tawhid, le met en pratique et y appelle les gens, va forcément être éprouvé. Car il suit la voie des réformateurs, parmi les prophètes, les véridiques et les pieux. Ainsi, la première cause pour remédier à la faiblesse de la communauté est la mise en application du tawhid. Ensuite, il y a plusieurs œuvres pour remédier à la faiblesse de la communauté qui sont venues dans deux versets du Coran. Et ces versets se trouvent dans Sourate Al-Hajj, plus précisément dans le verset 40 et 41. Allah dit وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ Allah fait triompher ceux qui soutiennent sa religion. Allah est puissant et fort. Nous faisons triompher ceux qui, si nous leur accordons le pouvoir sur terre, observent la prière, acquittent la zakat, ordonnent le bien et interdisent le mal. À Allah seul appartient l'issue finale des choses. L'éminent savant, Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans le tafsir de ce verset, celui qui respecte ces choses, Allah lui accorde la victoire sur son ennemi. Fin de citation. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné quatre causes pour remédier à la faiblesse de la communauté. Il a mentionné la prière, la zakat, l'ordonnance du bien et la réprobation du blâmable. Ces quatre œuvres sont des causes pour que la communauté retrouve sa suprématie. Cependant, il serait intéressant de regarder l'état actuel de la communauté vis-à-vis de ses œuvres. Commençons par la prière. Combien de musulmans ne prient pas? Certains prient de temps en temps et d'autres ont délaissé la prière totalement. Regarde le nombre de fidèles lors de la prière du Fajr. Certains ne prient même pas le Fajr. Ou bien certains vont prier lorsqu'ils vont se réveiller pour aller au travail. Par contre, s'il y a un match de football, par exemple, à la même heure, tu verras beaucoup de monde se lever pour le regarder. Comment peut-on espérer le secours d'Allah dans de telles conditions? Continuons avec la zakat. Combien de musulmans n'ont jamais payé la zakat et ne savent même pas comment sortir leur zakat? Et finissons par l'ordonnance du bien et la réprobation du blâmable. De nos jours, il y a de nombreux péchés graves commis sous nos yeux au quotidien. Et pour beaucoup, ces péchés sont devenus normaux. Ils sont tellement devenus normaux que souvent, ils ne sont même plus réprouvés, ne serait-ce qu'avec le cœur. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge de cette communauté, car il ordonne le bien et interdit le blâmable. Il dit Azza wa Jal, « Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf, wa tanhawna anil munkari wa tu'minuna billah. » Vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les hommes. Vous commandez le bien, interdisez le mal et croyez en Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé les mécréants parmi les enfants d'Israël pour ne pas s'être interdit le mal qu'ils commettaient mutuellement. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-Maïda, لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Les mécréants parmi les fils d'Israël ont été maudits par Daoud et Isa, fils de Maryam, pour leur désobéissance et leur transgression. Ils ne s'interdisaient pas mutuellement le mal qu'ils commettaient, comme est mauvais ce qu'ils faisaient. Et pire encore, de nos jours, beaucoup commandent le mal et interdisent le bien, alors que cela fait partie des caractéristiques des hypocrites. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate At-Tawbah, المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. Les hypocrites, hommes et femmes, sont tous semblables. Ils commandent le mal et interdisent le bien. Aujourd'hui, certains péchés sont banalisés. Certains musulmans vont voir ces péchés et ne vont plus les réprouver. Parfois, on va entendre des paroles de mécréance ou voir des actes de mécréance sans que cela ne nous fasse rien du tout, sans réprouver ce blâmable. Comment est-ce possible de ne pas réprouver des paroles comme par exemple « Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué à un enfant » alors qu'Allah azawajal a blâmé cette parole et a réfuté ses auteurs? Il dit dans sourate Maryam Azza wa Jal, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. Ils disent, le miséricordieux s'est donné un enfant. Vous proférez là une chose abominable. Peu s'en faut qu'à ces mots les cieux ne se déchirent, que la terre ne se fende et les montagnes s'écroulent du fait qu'ils ont attribué un enfant au miséricordieux, alors qu'il ne sied nullement au miséricordieux d'avoir un enfant. Tous ceux qui peuplent les cieux et la terre se présenteront devant le miséricordieux en serviteur. Il les cerne de sa science et connaît parfaitement leur nombre. Et au jour de la résurrection, chacun d'eux se présentera seul devant lui. Pose-toi la question. Fais-tu partie de ceux qui réprouvent le shirk? Ou bien fais-tu partie de ceux pour qui le shirk est devenu normal? Si tu veux participer à la réforme de cette communauté, pour qu'elle retrouve sa force et sa suprématie, cela passe par l'ordonnance du bien et la réprobation du blâmable selon ta capacité. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque parmi vous voit une chose blâmable alors qu'il la change par sa main, s'il ne peut pas, alors par sa langue. Et s'il ne peut pas, alors par son cœur. Et ceci est le niveau le plus faible de la foi. Et le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Et cela commence par ordonner le bien et interdire le blâmable dans nos foyers. Comme le faisaient les prophètes, alayhim salam. Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet de Ismaïl, alayhi salam, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلِ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. Rappelle dans le livre le récit d'Ismaïl, qui était fidèle à ses engagements, un messager et prophète. Il ordonnait à sa famille la prière et la zakat, et il était agréé par son Seigneur. Par la suite, il faut ordonner le bien et interdire le blâmable à nos voisins, amis et autres. Donc voici 5 causes pour remédier à la faiblesse de la communauté. Et j'aimerais ici clôturer cette conférence avec un point très important. Car comme nous l'avons mentionné en début de cours, bon nombre sont ceux qui veulent participer à la réforme de la communauté et remédier à la situation dans laquelle elle se trouve actuellement. Cependant, être guidé par sa passion et ses émotions n'a jamais été la solution. Ainsi, si tu veux entreprendre une œuvre dans le but de secourir la religion, alors regarde si les gens de science t'ont précédé dans cela. Si tu veux œuvrer dans ce sens et que tu vois que les savants de l'islam, les savants de la sunna, appellent les musulmans à accomplir ce que tu t'apprêtes à faire, alors sache que tu es sur la bonne voie. Par contre, si tu vois que les savants n'appellent pas à l'action que tu t'apprêtes à faire, ou bien qu'ils sont aux antipodes de ce que tu veux faire, alors empresse-toi de délaisser cette action. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de suivre les savants dans le bien. Il dit azza wa jal: Ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Ô vous qui croyez, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et parmi ceux qui détiennent le commandement parmi nous, on retrouve les savants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans sa sunna que dans le suivi des grands savants, il y a du bien. L'imam At-Tabarani rahmahullah, dans son livre intitulé Al-Mu'jam Al-Awsat, rapporte, d'après Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agré, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La bénédiction est avec vos grands. » Et je profite de l'occasion pour adresser un conseil à ceux qui appellent aux manifestations et qui y participent. Car ces jours-ci, de nombreuses manifestations ont été organisées en faveur de la Palestine. Et nous demandons à tous ceux qui ont pris part à ces manifestations ou ceux qui auraient pour objectif d'y prendre part dans les jours qui suivent, quel savant de la Sunna a appelé les gens à manifester? N'est-ce pas les savants qui connaissent le mieux la religion? N'est-ce pas eux qui connaissent le mieux les causes pour remédier à cette situation? Ne savez-vous pas que les grands savants sont unanimes, que les manifestations sont interdites? Est-ce que notre religion est une religion de désordre et de chaos? Comment les manifestations peuvent être une cause de secours alors qu'on y retrouve beaucoup de péchés et que même parfois les ennemis de l'islam vont y participer? Comment pouvez-vous répondre à l'appel de certains influenceurs à participer à ces manifestations et délaisser l'appel de nos savants éducateurs dans l'interdiction de ces manifestations? Qu'avez-vous donc? Comment pouvez-vous juger ainsi? Craignez Allah et soyez clairvoyants. Et cette parole s'adresse également à ceux qui vont appeler les musulmans à boycotter certains magasins et certaines marques. Subhanallah. S'il y avait eu du bien dans cette chose, les savants vous auraient certes précédé, mais ce n'est pas le cas. Et sachez qu'il n'y a pas de bien dans un groupe qui est guidé par leurs émotions et qui s'écarte de la voie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. La solution ne peut pas être dans une chose interdite. Comme l'a mentionné Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, lorsqu'il dit « Certes, Allah n'a pas pris votre guérison dans ce qu'il vous a interdit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve notre communauté des troubles. Wallahu al-musta'an wa alayhi al-tuklan. »